Message 1. Stéphanie, c'est maman. Nous avons reçu le faire-part. Il est très joli. Oh là là, je suis grand-mère. Je suis si heureuse. Mais j'ai téléphoné à tante Odile et oncle Bernard. Ils n'ont pas reçu ton faire-part. Tu as oublié? Au fait, est-ce que tu as écrit à madame Ernaud? Allez, bisous. Message 2. Bruno, c'est papy. Un bébé. Quelle bonne nouvelle. Bravo. Ta grand-mère est très contente. Nous sommes très fiers. On t'embrasse. Message 3. Salut Bruno, c'est Jérémy, ton vieil ami célibataire. Merci pour le faire part et félicitations. Je n'ai pas pu venir vous voir. J'espère que vous avez pris des photos d'Armel. Sinon, quand est-ce qu'on se voit? Salut. Message 4. Salut Stéphanie, c'est Jacqueline. Nous avons reçu votre faire-part au bureau. Tout le monde vous félicite. Avec les collègues, nous avons acheté un cadeau pour le bébé. Tu passes quand au bureau? À bientôt.